pas besoin d'un grand rire, juste un geste consciencieux. Tu es déjà belle, tu me donnes des ailes. Sois bien ma fille, renverse toutes les quilles. Merci à ta maman de m'avoir choisi comme père. Tu es notre enfant, on pense qu'à de merveilleux plans. En l'occurrence, ça va être devenir père.